السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا من سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله جل وعلا، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، فهذا هو الدرس الأول وسي le premier cours بعون الله سبحانه وتعالى au sujet de la biographie du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et la semaine passée, par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala, nous avons vu une introduction dans laquelle nous avons compris, inshallah ta'ala, l'importance de la connaissance du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ses mérites et ce pourquoi nous étudions ce sujet, ainsi que certaines sources vers lesquelles revenir pour toute personne souhaitant connaître une partie ou la biographie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Wa qulna inna al-mu'tamad fi hadha ad-dars sayakun risalatan li al-imam ibn Abi al-Izz al-Hanafi rahimahullahu ta'ala منظومة وهي المئية، تسمى بالمئية. Donc le livre sur lequel nous allons nous baser sera un poème écrit par le savant connu, celui qui a fait l'explication par exemple de l'Aqidat al-Tahawiyya, Ibn Abi al-Izz al-Hanafi rahimahullah ta'ala. Et ce poème se nomme Al-Urjuzatu al-Mi'iyya fi dhikri hali Ashraf al-Bariyya. Al-Urjuzatu al-Mi'iyya fi dhikri hali Ashraf al-Bariyya. Et c'est un poème qui a été expliqué par certains savants parmi eux, Al-Sheikh Abdul Razzaq Ibn Abdul Muhsin Al-Badr, Havidahumullah. Et c'est un poème qui se compose de 100 vers. C'est un poème qui se compose de 100 vers et qui englobe de manière résumée la biographie, la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Comme l'a dit l'auteur, Tammatil urjuzatul mi'iyya fi dhikri hali ashrafil bariyya. Wa al-mu'allif وعلي ابن علي ابن محمد الدمشقي الحنفي رحمه الله تعالى. Et l'auteur de ce livre, de ce poème, se nomme Ali ibn Ali ibn Muhammad al-Dimashqi al-Hanafi. Je répète, notez, il se nomme Ali ibn Ali ابن محمد الدمشقي الحنفي رحمه الله تعالى. Il est né en 731 et est décédé en 782. Il est né en 731 et est décédé, pardon, en 792. Il est très connu chez les gens de science et chez les étudiants en science. نشأ في بيت علم وصلاح وتربى على طالب العلم والتلقي وحب العلماء. Il naquit dans une maison de piété et de science. Et il a été éduqué dans la recherche et la recherche et la demande de la science, ainsi que l'amour des savants. Et il fait partie des savants de Ahlus Sunnah, qui sont connus et reconnus pour leur science. Il était à l'époque du grand savant, l'exégète du Coran, Abul Fida ibn Kathir, rahimahullah ta'ala, wa akhadha anhu al-ilm wa istafada kathiran minhu. Il était à l'époque du grand savant du Coran, Ibn Kathir, et de lui, il a appris énormément de science. Ibn Kathir se nomme Ismail ibn Omar. Abul Fida, Ismail ibn Omar, Ibn Kathir, rahimahullahu ta'ala. Ibn Abil Iz al-Hanafi était à l'époque d'Ibn Kathir. Et de lui, il a appris énormément de science. Rahimahumullah. Fakana aliman fadila. C'est un savant. C'était un savant. وَكَانَ نَاصِحًا لِلْأُمَّةِ. Il était rempli de bons conseils pour la communauté. وَكَانَ يَبْذُلُ وَقْتَهُ لِلْمُسْلِمِينَ. Et il donnait tout son temps pour la communauté. كَانَ يَتَعَلَّمُ وَيُعَلِّمُ وَيُدَرِّسُ وَيَخْطُبُ وَكَانَ قَاضِيًا فِي دِمَشْقَ ثُمَّ فِي مِصْرَ. نعم. فحياته حياة علماء أهل السنة. Hayatu tadhiyah, wajiddin wa ijtihad. Ce savant donnait son temps pour la communauté. Il apprenait la science. Il enseignait la science. C'était un enseignant. C'était un juge. Il faisait le khutbah. Il transmettait la science. Et il était le juge ayant une des plus grandes renommées à Damas. Rahimahullahu ta'ala. Il est décédé, comme nous l'avons dit, en l'an 792. علي ابن علي ابن أبي العز الحنفي رحمه الله تعالى. Il commence son poème en disant الحمد لله. Puis il y a deux versions. Dans celle qui est la plus souvent vue, الحمد لله القديم الباري. الحمد لله القديم الباري. Dans l'autre version, القدير. الحمد لله القدير الباري ثم صلاته على المختار. Dans les deux premiers vers, il nous dit الحمد لله القديم الباري. Toutes les louanges reviennent de droit. القديم, on pourrait traduire par l'ancien. الباري, on expliquera que ça revient à un des sens du, yani c'est relatif au sens du créateur. On traduirait par le créateur. ثم صلاته على المختار. Puis sa prière sur Al-Mukhtar. Al-Mukhtar est une des caractéristiques du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ça veut dire celui qui a été choisi, celui qui a été élu. فبدأ المؤلف رحمه الله تعالى بحمد الله تبارك وتعالى والثناء عليه. L'auteur a donc commencé à la manière des gens de science son écrit en faisant les éloges d'Allah subhanahu wa ta'ala, puis en priant sur son noble prophète et messager sallallahu alayhi wa sallam. Walhamd, qala ibn Uthaymin rahimahullahu ta'ala, wa wasful mahmoud bil kamal ma'a mahabbatin wa ta'zim. Huwa wasful mahmoud bil kamal ma'a mahabbatin wa ta'zim. Et le sens de alhamd, lorsque tu dis alhamdulillah, Ibn Uthaymin rahimahullahu ta'ala explique cela en disant c'est le fait de décrire en faisant les éloges de celui duquel tu parles avec amour et immensification. Tu parles d'Allah subhanahu wa ta'ala en faisant ses éloges. Et lorsque tu fais cela, ton cœur est rempli d'amour et de vénération, et de respect et d'immensification. Voici la définition de Alhamdu. Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala nous dit Alhamd wal ikhbaru بمحاسن المحمود مع المحبة لها. Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala a défini cela d'une définition proche de celle-ci. Alhamdulillah al-qadim al-bari al-qadim fi hadhihi an-nuskha wa fi nuskhatin ukhra al-qadir wa huwa al-ansab بل الصحيح في حق الله سبحانه وتعالى لأن القديم قال أهل العلم ليس من أسماء الله سبحانه وتعالى لأن أسماء الله تبارك وتعالى كلها حسنى أي بالغة في الحسن غايته ولا تحتمل نقصا في وجه من الوجوه أو بوجه من الوجوه لا احتمالا ولا تقديرا أما القديم القدم قد يكون مطلقا فهو كمال وقد لا يكون كذلك فمن هذا الوجه قال أهل العلم القديم ليس من أسماء الله سبحانه وتعالى وقد يخبر به عنه لأن باب الأخبار أوسع من باب الأسماء دونك القديم ici et dans une autre version de l'écrit Al-Qadir. Et sans aucun doute, ce qu'il faut retenir, c'est Al-Qadir, celui qui est parfaitement capable et que rien ne saurait rendre impuissant ou incapable, subhanahu wa ta'ala. Quant au mot Al-Qadim, qui veut dire l'ancien, ceci ne fait pas partie des noms d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Et les savants expliquaient cela en disant que l'ensemble des noms d'Allah, tabaraka wa ta'ala, sont parfaits. Ils sont parfaits, ils ne sont pas sujets à l'imperfection. Naam, ni de manière explicite, ni de manière implicite. La moindre imperfection ne peut être sous-entendue dans le nom d'Allah subhanahu wa ta'ala. Quant au nom Al-Qadim, Al-Qidam, l'ancienneté, revient à deux sens. Le premier, c'est de dire l'ancienneté absolue, celui avant lequel il n'y a rien. Et ça, c'est une perfection. Mais d'un autre point de vue, ça peut être une ancienneté par rapport à certaines créatures. Par rapport à certaines créatures. Et ça, ça n'est pas une perfection absolue. Du fait que nous pouvons sous-entendre ce deuxième point qui comprend une imperfection, Al-Qadim ne peut faire partie des noms d'Allah subhanahu wa ta'ala. Car les noms d'Allah sont parfaits. À un point tel qu'ils ne peuvent comprendre la moindre imperfection, ni même sous-entendre la moindre imperfection. Le cas étant, ceci ne peut faire partie des noms d'Allah subhanahu wa ta'ala. Thaniyan, asma'ullahi tabaraka wa ta'ala, tawqifiyya. Deuxièmement, les savants ont dit que les noms d'Allah subhanahu wa ta'ala sont affirmés, soit par le Qur'an, soit par la sunna authentique. Soit par le Qur'an, soit par la sunna authentique. Et le nom Al-Qadim n'a pas été cité dans le Coran parmi les noms d'Allah subhanahu wa ta'ala ni dans la sunnah du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Pour ces deux raisons, les savants ont dit qu'Al-Qadim ne faisait pas partie des noms d'Allah subhanahu wa ta'ala, mais on peut parler de lui et en informant de lui en disant Al-Qadim. Car le chapitre des informations est plus grand et plus large que le chapitre des noms d'Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah al-qadim al-bari. Al-bari ou al-bari min asma'illah subhanahu wa ta'ala. Wa qad warada thalatha marrat fil Qur'an al-Karim. Al-bari fait partie des noms d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et à trois reprises dans le Qur'an, Allah tabaraka wa ta'ala nous a cité ce nom. Qala ibn Jarir الباري هو الذي بارئ الخلق فأوجدهم بقدرته Al-Bari ibn Jarir rahimahullah ta'ala explique cela en disant que c'est celui qui a créé la création et les créatures et il les a fait venir de par sa puissance et sa capacité. Donc Al-Bari na'am revient au sens du nom d'Allah subhanahu wa ta'ala Al-Khaliq, le créateur, avec quelques nuances. Parmi ces nuances citées, Az-Zajjaj rahimahullah ta'ala nous dit الذي يخلق على صفة الباري هو الذي يخلق على صفة. Donc الباري c'est celui qui crée sous certaines caractéristiques particulières, c'est-à-dire qu'il a créé telle créature de telle manière particulièrement à cette image. Et il a créé telle autre créature de cette manière, tout particulièrement à cette image. Voici le sens de Al-Bari. Ceci étant compris, quel est donc le lien qu'il y a entre le Khaliq, na'am, le fait de créer, et Al-Bari? C'est que Al-Bari, c'est le fait de créer, mais avec un ajout. C'est que cette créature, cette création faite, soit sous une image particulière. Donc tout Bari et Khaliq, mais ça n'est pas tout Khaliq qui est Bari. Na'am. Et Al-Bari fait partie de Allah subhanahu wa ta'ala qui lui sont spécifiques. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى ثم صلاته على المختار. Puis que sa prière soit sur l'élu, sur celui qui a été choisi, al-mukhtar, ay nabi, sallallahu alayhi wa sallam. Wa ba'du, l'auteur a dit, wa ba'du ha kasirat al-rasuli, manzumatan mujazat al-fusuli. Wa ba'd, c'est un mot qu'on utilise pour passer d'un sujet à un autre, d'un sujet à un autre. فيستعمل للانتقال من شيء لا شيء آخر ومن أسلوب لا أسلوب آخر. وبعدها كسيرة الرسول. السيرة حفظكم الله لغة هي الطريقة. السيرة, ce mot qu'on entend souvent, سيرة الرسول, la biographie du messager sallallahu alayhi wa sallam, ce mot-là, السيرة بالسين, dans la langue arabe, signifie at-tariqa. Ça signifie le chemin. As-sira signifie dans la langue arabe at-tariqa. Hasanatan kanat am sayyi'a. Qu'elle soit bonne, qu'il soit bon, ce chemin qu'il soit bon, na'am, ou qu'il soit mauvais. As-sira signifie le chemin emprunté. Qu'il soit bon ou qu'il soit mauvais. Amma idha nusibat wa udhifat إلى النبي صلى الله عليه وسلم فهي أعظم سيرة وأطيبها وأزكاها ولا أفضل منها. Par contre, lorsqu'on annexe ce mot au prophète صلى الله عليه وسلم, alors là il s'agit de la meilleure des biographies, de la plus pure, de la plus belle, au-dessus de laquelle nul homme n'a pu exceller, que ce soit dans le passé ni aucun homme ne pourra attendre dans le futur, sallallahu alayhi wa sallam. Amma fil istilah as-sira ya dhikru akhbar an-nabi sallallahu alayhi wa sallam منذ ولادته الى اخر انفاسه عليه الصلاه والسلام. As-sira, dans la terminologie des gens de science, c'est l'ensemble des informations relatives au prophète sallallahu alayhi wa sallam, et ce, depuis sa venue au monde jusqu'à son dernier souffle. As-sira, c'est l'ensemble des informations faisant référence au prophète sallallahu alayhi wa sallam, depuis sa naissance jusqu'à son dernier souffle. Depuis sa naissance jusqu'à son dernier souffle, sallallahu alayhi wa sallam. Un des bienfaits d'étudier As-Sira, c'est le fait que tu es amené à souvent citer le prophète sallallahu alayhi wa sallam, donc à beaucoup prier sur lui. Na'am. Et quelle est parmi les récompenses de celui qui prie sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam? Il nous dit sallallahu alayhi wa sallam, man salla alayya wahida sallallahu bihi alayhi ashra. Celui qui prie sur moi une fois, Allah prie pour, sur lui pour cela 10 fois. Donc à chaque fois que tu entends Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ou un nabi sallallahu alayhi wa sallam ou parler de lui sallallahu alayhi wa sallam, tu dis cela. Sallallahu alayhi wa sallam. Pour chaque fois, Allah azza wa jal priera 10 fois sur toi. Que veut dire salatullah? Que veut dire salatullah ala abdi? Que signifie la prière d'Allah sur son serviteur? Salatullah ala al-abd ay thana'uhu عليه وذكر محاسنه عند الملأ الأعلى. صلاة الله, la prière d'Allah sur son serviteur ou sur son prophète alayhi salatu wassalam, signifie qu'Allah va vanter tes mérites et faire tes éloges aux anges rapprochés. Allah te cite et fait tes éloges aux anges rapprochés. Quand tu dis une fois sallallahu alayhi wa sallam, Allah Azza wa Jal prie sur toi 10 fois. Et ça, ça fait partie du mérite des assises de Ahl Sunnah. Parce que dans leurs assises, na'am, on ne fait pas que dire « je pense que » na'am, ou « à mon avis ». Non. Mais plutôt « قال الله جل وعلا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الصحابة رضي الله عنهم وهكذا تميزت مجالس أهل السنة والجماعة حفظهم الله تعالى ورحمهم. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى منظومة موجزة الفصول. Donc il a écrit cela sous la forme d'un nahm. Donc c'est un poème, na'am, un ensemble de vers avec des rimes, un ensemble de vers avec des rimes. Quelle est la madha, quelle est la sagesse d'utiliser un poème pour informer autrui de certaines choses? Parmi les sagesses, taysiru al-hifd, taysiru hifd al-ma'ani wal-alfam wa dhabtuha, la facilité quant à la mémorisation. C'est plus facile de mémoriser quelque chose qui se récite, na'am, sous forme de poésie, que de mémoriser des simples paroles prononcées. Donc une des grandes sagesses de l'écriture des savants, de ces poèmes religieux, c'est pour faciliter, na'am, aux jeunes et aux moins jeunes, la mémorisation de la science. La mémorisation de la science. Il nous dit ici, « Mujaza » Al-ijaz wa al-ikhtisar. Mujazat al-fusuli, ça signifie de manière résumée. Al-ijaz, ça veut dire al-ikhtisar. Ça veut dire de manière résumée. Wa huwa tawfiyat al-ma'ani bi aqall al-mabani. C'est le fait de s'exprimer et de faire parvenir pleinement ce que nous voulons dire, mais en utilisant le moins de mots possible. Ça, c'est ce qu'on appelle al-ikhtisar. Le fait de parler de manière résumée. Donc l'auteur nous dit ici que ce qu'il a écrit, na'am, il l'a écrit de manière résumée. Toute la sira du prophète sallallahu alayhi wa sallam, de manière résumée. Et cela comprend 100 vers de poésie. Et il nous dit qu'il a avancé en faisant des chapitres. Mujazat al-fusuli. Mujazat al-fusuli. Donc ce poème a été écrit, mais il avance, na'am, de manière structurée. Et tu passes dans ce poème d'un chapitre à un autre, d'un chapitre à un autre, puis en suivant, et un autre. Wa hakadha. Wa al-fusul jam'u fasl. Na'am. Wa huwa masa'il ma'lumatun min babin fi 'ilmin ma. Al-fusul, yani en français on traduit cela par des chapitres. C'est un ensemble de questions religieuses déterminées, bien précises, qui ont été agencées ou bien réunies sous un sous une même appellation, sous un même chapitre. Wa awwal ma yadhkuruhu ahlul ilm fi hadha al-bab في السيرة هو نسب النبي صلى الله عليه وسلم. Et la première chose que les gens de science citent lorsqu'ils font la biographie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est sa mada, son asab, c'est sa lignée, son arbre généalogique. Quel est son nom, le nom de son père, de son grand-père, sa tribu, et ainsi de suite. Na'am. Hadha awwal ma nata'allam. Na'am. Ça, c'est la première chose qu'on apprend et qu'on étudie dans ce chapitre. Wa huwa fanaqul huwa Muhammad ibn Abdillah ibn Abd al-Muttalib ibn Hashim ibn Abd Manaf ibn Kilab ibn Murra wa nasabuhu بوجه صحيح واتفاق بين المؤخرين آخرين والعلماء ينتهي إلى عدنان ينتهي إلى عدنان إلى ها هنا اتفق أهل العلم أما ما بين عدنان وإسماعيل بن إبراهيم وإسماعيل بن إبراهيم عليهم وعلى نبينا الصلاة والسلام اختلف أهل العلم اختلف أهل العلم. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam se prénomme, et c'est son nom le plus connu, celui par lequel, parmi lesquels on l'a cité dans le Coran et la Sunna, c'est Muhammad, fils de Abdullah, fils de Abdul Muttalib, fils de Hashim. Naam. La lignée du prophète sallallahu alayhi wa sallam, de manière authentique, sans aucune divergence, remonte jusqu'à Adnan. Remonte jusqu'à Adnan. Ensuite, de Adnan jusqu'à Ismaïl, fils d'Ibrahim alayhi wa ala nabiyina salatu wa salam, les savants ont divergé. Les historiens, les savants ont divergé. Certains ont dit des choses. Certains ont dit que ceci n'était pas authentique. Et d'autres se sont abstenus de s'avancer dans ce sujet. Naam. Mais jusqu'à Adnan, il n'y a pas de divergence. Donc, il s'appelle Muhammad ibn Abdillah ibn Abd al-Muttalib ibn Hashim ibn Abd Manaf ibn Qusay ibn Kilab ibn Murra ibn Ilyas ibn Ka'b ibn Lu'ay ibn Ghalib ibn Fihm ابن مالك ابن نضر ابن كنانة ابن خزيمة ابن مدركة ابن مضر ابن نزار ابن معبد ابن عدنان. Jusqu'à là, il n'y a pas de divergence entre les gens de science quant à l'authenticité de sa lignée. Ensuite, de Adnan jusqu'à Ismaïl, car il remonte à Ismaïl alayhi salam, contrairement à tous les autres prophètes et messagers après lui, après Ismaïl alayhi salam, plutôt après Ibrahim alayhi salam, Naam. Leur lignée remonte à Ishaq, comme les prophètes et messagers de Banu Israël, ils remontent à Ishaq. Quant au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, lui remonte, et c'est le seul, il remonte à Ismaïl. Ismaïl alayhi salam tazawwaja bimra'atin arabiya. Ismaïl a épousé une femme arabe. Naam. Et de sa descendance, naam, il y a eu le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est son nom le plus connu. Et les savants ont divergé sur ce point. Est-ce que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, ou bien est-ce que Muhammad est un nom qui avait été donné avant lui à un homme, ou bien est-ce le premier à avoir reçu cette appellation? Quant au sens de ce nom, Muhammad a un sens. Et ça signifie alladhi yuhmadu li kathrati khisali al-hamida. Ma'na Muhammad alladhi yuhmadu li kathrati khisali al-hamida. Le sens de son prénom Muhammad est celui qui reçoit beaucoup d'éloges du fait de ses nombreuses qualités. c'est celui duquel on dit beaucoup de bien et à qui on fait beaucoup d'éloges, car il a de nombreuses bonnes qualités. Son père se nomme Abdullah. Et Abdullah est le dixième fils d'une fratrie composée de 10 enfants ou de 10 fils. Abdullah, le père du prophète sallallahu alayhi wa sallam, est le 10e de 10 enfants. Et son père avait fait un vœu que si Allah azza wa jal lui accorde telle chose, il sacrifierait un enfant. Et c'est tombé sur Abdullah. C'est tombé sur Abdullah. C'est pour cela qu'on le surnomme Al-Dhabih. C'est pour cela qu'on appelle, on le surnomme Al-Dhabih. Et on dit du prophète sallallahu alayhi wa sallam qu'il est Ibn Dhabihayn. Qu'il est le fils des deux qui devaient être sacrifiés. Le premier c'est Ismaïl alayhi salam. Et le deuxième c'est Abdullah, son père. Puis lorsqu'il a fait ce vœu, Allah Azza wa Jal lui a facilité un échappatoire. Allah Azza wa Jal lui a facilité un échappatoire et à la place il a sacrifié des bêtes. Donc on le surnomme Al-Dhabih. On le surnomme Al-Dhabih. وَلَمْ يَمُتْ عَلَى الْإِسْلَامِ Et il n'est pas mort sur l'islam. بَلْ كَانَ مُشْرِكًا Il est mort en étant associateur. وَقَدْ أَخْبَرَ النَّبِيُّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ بِأَنَّهُ فِي النَّارِ Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a informé qu'il était ou qu'il sera en enfer. وَاللَّهُ الْمُسْتَعَانِ جَاهُ أَعْرَبِيٌ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَيْنَ أَبِي قَالَ فِي النَّارِ فَكَأَنَّهُ وَجَدَ فِي نَفْسِهِ فَقَالَ وأنت أين أبوك؟ قال إن أبي وأباك في النار. Un bédouin est venu voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam et lui a dit au messager d'Allah, où est mon père? Naam, il est mort avant l'islam. Où est mon père? Et il lui a dit, il est en enfer. C'est comme s'il a trouvé une chose dans son cœur. Il lui a dit, et toi, où est ton père? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit, certes, mon père, à moi, ainsi que le tien sont dans le feu. Pourquoi? Parce qu'ils ont reçu le message. Il y avait deux dînes. Il y avait le dîne de Isa alayhi salam. Ahlul Kitab était présent, comme c'est connu. Mais il y avait aussi Al-Hanifi à la voix de Ibrahim alayhi salam, sur laquelle certains étaient restés, comme on le verra, en étudiant la sirah du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ibn Abdul Muttalib. عبد المطلب ابن هاشم هاشم son prénom c'est Amr هاشم son prénom est Amr ابن عبد مناف le nom donc des fois ce sont des surnoms c'est pour ça que je cite ensuite en disant et son prénom est ou bien et son nom est car ce sont des surnoms donc عبد مناف son prénom est المغيرة ابن قصي Qusay, son prénom est Zayd. Et Qusay, ça, il y a la notion d'éloignement. Et il a été appelé Qusay, il fut dit car il s'est éloigné de sa famille et de sa ville. Ibn Kilab, il fut dit qu'il a été surnommé Kilab, c'est le pluriel de Kalb qui veut dire chien, car il chassait beaucoup avec des chiens de chasse. Il chassait beaucoup, accompagné de chiens de chasse. Ibn Murrah. Une particularité de cet ancêtre du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est qu'il rejoint ici le meilleur des compagnons. C'est-à-dire que Abu Bakr as-Siddiq radiallahu anhu et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, leur lignée se rejoint où? À Ibn Murrah. À Ibn Murrah. Ibn Ka'b ibn Lu'ay. Ibn Ghalib ibn Fihr. Ensuite, les savants ont divergé qui était Quraysh. C'est-à-dire, il faut avoir quel ancêtre ou passer par quel ancêtre pour être Quraysh. Pour être Quraysh. Certains ont dit c'est Nadr. Beaucoup même ont dit c'est Nadr. على كل حال نسب النبي صلى الله عليه وسلم يرجع إلى عدنان. قال ابن القيم رحمه الله تعالى في زاد المعاد: إلى ها هنا معلوم صحة. ابن القيم رحمه الله تعالى nous dit jusqu'ici, c'est-à-dire jusqu'à Adnan, l'authenticité de sa lignée est authentique. L'authenticité de sa lignée est authentique. لا خلاف فيه البتة. Il n'y a aucune divergence. وما فوق عدنان مختلف فيه. Et tous ceux qui viennent après Adnan est sujet à sont sujets à divergence. Et d'autres parmi les savants ont dit ماذا la même chose. والعرب أكثر من اعتنت بالأنساب وكانوا يفتخرون بها. Et les Arabes sont ceux qui étaient le plus connus pour accorder la plus grande importance à la lignée. Et ils revendiquaient la noblesse de leur lignée et se vantaient même avec cela. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a appelé à connaître sa lignée, m'a interdit le fait de se vanter et de s'enorgueillir de par sa lignée. Et Allah nous dit dans le Coran, Inna khalaqnakum min dhakarin wa untha. Nous avons créé d'un homme et d'une femme, litata'araf, pour que vous vous connaissiez. Inna akramakum 'indallahi atqakum. Le plus noble d'entre vous est le plus pieux. Le plus noble d'entre vous est le plus pieux. Pour que vous vous connaissiez, pas pour que vous vous vantiez et vous enorgueillissiez. Naam, l'islam est venu mettre fin à cela. Le noble est élevé, celui qui n'est pas noble est rabaissé. Celui qui est noble et riche a des droits, celui qui n'est pas noble et riche n'a pas de droits. L'islam a mis fin à cela. Naam, il nous a appris la balance authentique. At-taqwa, inna akramakum 'indallahi atqakum. Le plus pieux d'entre vous chez Allah, c'est le plus noble d'entre vous chez Allah et le plus pieux. Naam, un tel dit, moi je viens de telle tribu, et l'autre dit, moi je viens de telle tribu. Le prophète sallam a mis fin à cela. Et il a dit que ça faisait partie des caractéristiques de la jahiliya. Ça faisait partie des caractéristiques de la période anti-islamique. Wal-arabu qisman. Al-ariba wal-musta'ariba. Waqila thalatha. Waqila annahum thalathatu aqsam. وزاد البائدة وهم عاد وثمود ومن أهلك الله سبحانه وتعالى ولم تكن لهم أو لهم ذرية. Les Arabes se divisent en deux. Il y a l'Ariba et l'Al-Musta'ariba. Et certains ont dit ils se divisent en trois. Il y a l'Ba'ida, ceux qui ont disparu, ce qu'Allah a anéanti, comme le peuple de Ad et le peuple de Thamud. Et ces gens-là n'ont pas eu de descendance. Ils ont été anéantis par Allah subhanahu wa ta'ala du fait qu'ils ont démenti leur prophète et n'ont pas suivi leur messager. Alayhimu as-salam. Et il y a donc ensuite al-ariba et al-musta'ariba. Les Arabes de souche. Les Arabes de souche. Il y a al-ariba. Ce sont les tribus émanant du Yémen. Comme Qahtan et d'autres. Naam. Et il y a parmi eux Al-Ansar par exemple, Al-Aus ou Al-Khazraj. Al-Aus ou Al-Khazraj font partie de ces Arabes-là qui viennent à la base du Yémen. Puis il y a Al-Musta'ariba. Hum min sulalati Ismail. Ceux qui descendent de Ismail. Ceux qui descendent de Ismail. Celui qui a épousé une femme arabe et de sa descendance, il y a eu Adnan. De sa descendance, il y a eu Adnan. Et Adnan a eu parmi eux Ma'd. Et il a eu Nizar. Et Nizar a eu Mudar. Et Rabi'a. Naam. Et la tribu la plus noble des nobles, c'est ceux qui remontent à Mudar. Et le prophète alayhi salatu wassalam en faisait partie. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam en faisait partie. Et pour plus de facilité à retenir cela, Inch'Allah Ta'ala, on fera une fresque, Inch'Allah Ta'ala, un arbre généalogique également, une fresque par rapport à Mada Ozani. Vous allez voir que ça sera facile à retenir. De zéro, yani à zéro, Amul Fil. Il y a eu telle histoire. De 0 à 2 ans et de 2 ans à 4 ans, Na'am murdi'atu Nabi sallam. Il a été allaité. Inda Bani Sa'd. Na'am. Ensuite de 4 ans à 6 ans. Et tu mets des couleurs et c'est très clair ensuite. Auprès de sa mère. Ensuite le décès de sa mère. Ensuite de 6 ans à 8 ans auprès de son grand-père. Ensuite le décès de son grand-père. De 8 ans à... Wahakada. Na'am, c'est très simple. Mais idnillah. En faisant de la sorte. Quant à l'arbre généalogique, c'est pour la famille. Tu remontes à Ibrahim, jusqu'à Ismaïl, ensuite à Adnan, Wahakana. Ou bien dans le sens contraire. Ou bien dans le sens contraire. Et les enfants, en premier lieu, prennent beaucoup plaisir à faire cela et retiennent plus facilement de la sorte. Wabillahi at-tawfiq. Donc, Ismaïl, dans sa descendance, parmi ses petits-enfants, il y a qui? Il y a Adnan. Adnan a eu Ma'd. Dans sa descendance, Ma'd. Ensuite, il a eu 4 enfants. Ma'd a eu 4 enfants. Parmi ses enfants, il y en a un qui s'appelle Nizar. Parmi ses enfants, il y en a qui s'appelle Nizar. Et parmi eux, et plutôt Nizar a eu 2 enfants, parmi eux Mudar. Et la plupart des tribus nobles remontent à Mudar. Et d'eux faisait partie le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Inda Ahmed, auprès de l'imam Ahmed, on trouve que le prophète sallallahu alayhi wa sallam un jour est monté sur le minbar. Il a dit aux gens, qui suis-je? Il les interroge sur son asab, sur sa lignée. Na'am, comme si certaines personnes avaient parlé sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il a dit, Ana Muhammad ibn Abdillah ibn Abdil Muttalib. Donc sa lignée, une partie de sa lignée, on l'attire directement de lui. Puis, de l'état, de la situation, de ce que disaient les gens. Et sachez que jamais, même Kuffar Quraysh ont remis en doute sa lignée. Jamais. Ils l'ont dénigré, banni, insulté, combattu, assassiné de ses proches, mais ils n'ont jamais remis en cause sa lignée, car ils le connaissent. Il n'y a pas une tribu de Quraysh sans qu'elle ait un lien de parenté avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et il disait, comme c'est connu, « Ana nabiyun la kadir, ana abdul muttalib ». Tout le monde savait cela et personne n'a jamais remis en cause ce point-là, la lignée du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Idhan qulna inna abahu Abdullah. Nous avons donc dit que son père se nomme Abdullah. Et nous avons cité le hadith qui montre qu'il est décédé dans le polythéisme. Et parmi les textes qui nous montrent que même Quraysh ont reconnu sa lignée, il y a l'histoire de Sulh al-Hudaybiyah. L'histoire du traité de Al-Hudaybiyah. Amr ibn Suhayl, à l'époque, était une des têtes de Quraysh. Et par la suite, il s'est converti à l'islam, radiallahu anhu. Lorsque le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a fait dicter, écrit, « Min Muhammadin Rasulillah ». Ce compagnon, qui est Amr, qui à l'époque n'était pas encore musulman, a dit non. Lo alimna annaka ar-rasul tabanak. Uktub min Muhammad ibn Abdillah. Donc Amr ibn Suhayl, alors qu'il n'était pas encore musulman, lui dit, n'écris pas Muhammad Rasulullah. Si nous avions la certitude que tu es le messager d'Allah, nous t'aurons suivi. Mais écris plutôt Muhammad, fils de Abdullah. Il reconnaissait donc sa lignée. Quraysh ont donc reconnu la lignée du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Quant à son grand-père, c'est Abdul Muttalib, un des plus grands notables de son peuple. Et il était très respecté. Et en général, dans la famille du prophète sallallahu alayhi wa sallam, si ce n'est pour tous, Allahu alam, c'était tous des personnalités dans leur peuple. C'était tous des personnalités et avaient une renommée dans leur famille et dans leur peuple. Son grand-père, Abdul Muttalib, son prénom est Shaiba. Son prénom est Shaiba. Il était surnommé Shaibatul Hamd. Il était surnommé Shaibatul Hamd. Certains ont dit car lorsqu'il est né, il était grand. D'autres ont dit qu'il avait une marque, yani de la blancheur, sur la tête. Il fut dit certaines autres paroles. Et il a été surnommé Abdul Muttalib, donc le serviteur de Muttalib, Naam, alors qu'il n'est pas son serviteur, mais c'est son oncle. Pourquoi ? Car un jour, ils étaient ensemble sur une monture, ils revenaient d'un voyage, et il était dans d'une apparence très modeste. Alors on lui a dit, qui est-ce ? Il a eu honte de dire qui il était. Il a dit, Wa Abdi. Il a dit, c'est mon serviteur. Et cette appellation est restée Abdul Muttalib. Cette appellation est restée Abdul Muttalib. Ensuite, Ibn Hashim, le prénom de Hashim est Amr. Le prénom de Hashim est Amr. Il a été appelé Hashim, il fut dit, car à une époque, il a voyagé Fisham. Il a voyagé Fisham. Et c'était une année de grande disette. Il y a eu une grande pauvreté, un manque de culture au point où les gens étaient affamés. Et Hashim a fait sacrifier des bêtes et a acheté de la farine. Il a nourri les gens par la grâce d'Allah Azza wa Jal. Il a donc été surnommé ainsi. Il a donc été surnommé Hashim. Quant à son prénom, c'est Amr. Voici du côté de son père. Et très souvent, on trouvera que les historiens se sont concentrés et ont cité, en citant la lignée, le côté du père, car c'est de là qu'est pris la lignée. C'est de là qu'est pris la lignée. Naam. Quant à la mère du prophète sallallahu alayhi wa sallam, elle se nomme Aminatu bint Wahb. Aminatu bint Wahb. Elle s'appelle Amina, fille de Wahb. Ibn Abdi Manaf. Ibn Abdi Manaf. Qu'est-ce qu'on comprend de cela si c'est Bintou Ibn Abdi Manaf? Naam. Jazakallahu khayran. On comprend que la mère du prophète sallallahu alayhi wa sallam rejoint le nasab de son époux. Wabah. Parce que dans la lignée du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il y a Abdi Manaf. Après qui? Hein? Après Hashim. C'est Abdi Manaf. Donc, la mère du prophète sallallahu alayhi wa sallam et son père se rejoignent dans leur lignée. Il fait donc partie des nobles parmi les nobles des deux côtés, du côté du père et du côté de la mère. Wa matat ala shirk. Elle est également décédée dans le polythéisme. Dans le hadith sahih, عند البخاري سمع أبو هريرة رضي الله عنهما زار النبي صلى الله عليه وسلم قبر أمه وبكى أبكى من حوله. Dans un hadith, le prophète عليه الصلاة والسلام a visité la tombe de sa mère. Il est revenu en larmes, en pleurs, au point de faire pleurer ceux qui l'entouraient. Il lui fit demander la cause et il répondit sallallahu alayhi wa sallam, ista'dhantu rabbi fi an azura qabra ummi fa adhina li wa ista'dhantuhu fi ash-shafa'ati fa lam ya'dhan li. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam expliquait cela en disant, j'ai demandé la permission à mon seigneur de visiter la tombe de ma mère, il me l'a permis. Mais je lui ai également demandé la permission d'intercéder en sa faveur, il me l'a interdit. Il ne me l'a pas permis. Pourquoi? Parce que parmi les conditions de shafa'a, de l'intercession, il y a l'ikhlas, il y a l'iman, il y a l'islam. Naam. Et celui qui décède en dehors de l'islam, la shafa'a ne lui est pas permise, que ce soit la recevoir ou que ce soit la pratiquer. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam est né de ses deux parents. Abdullah et آمنة فنسبوا أشرف الأنساب وأزكاها وأرفعها. Sa lignée, retenez que c'est la lignée la plus noble des nobles qui soit. C'est la lignée la plus noble des nobles qui soit. Dans le recueil de l'imam Muslim, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, إن الله اصطفى كنانة من ولد إسماعيل، واصطفى قريشا من كنانة، واصطفى من قريش بني هاشم، واصطفاني من بني هاشم. صحت الله أشوزي كنانة parmi les enfants d'Ismaïl et قريش parmi كنانة et de قريش بني هاشم et moi, il m'a élu et choisi de Banu Hashim. C'est-à-dire que le meilleur groupe du groupe précédent est celui-ci. Plus du groupe précédent est celui-là. Jusqu'à arriver au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il fait partie de Banu Hashim. Il fait partie de Banu Hashim. Et dans d'autres hadith, Ana Sayyidu Nasi Yawm Al-Qiyamah. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, je suis le meilleur des hommes, je serai le meilleur des hommes le jour de la résurrection. Et dans une autre version, Ana Sayyidu Waladi Adama Yawm Al-Qiyamah. Donc il y a le hadith d'Abu Hurayra, dans le recueil d'Imam Muslim, il y a un autre hadith dans le recueil d'Imam Ahmad, et il y a un des hadiths qui est dans les deux recueils, Bukhari et Muslim. Donc c'est le meilleur, sallallahu alayhi wa sallam, et le plus noble. Pourquoi est-ce qu'il a dit ici Yawm al-Qiyamah, et dans une autre version j'ai oublié, wala fakhr, sans me vanter, Cheikh Abdul Mahsin al-Badr, hafidhahullah ta'ala, grand savant de Médine, nous dit pourquoi est-ce qu'il a dit wala fakhr, sans me vanter, pour dire qu'il cite cela, mais c'est pas pour s'élever ou autre, non, c'est parce que c'est le dernier prophète et messager, et il a des droits sur nous, donc il nous informe de la considération que nous devons avoir à son égard. Et personne après lui ne pourra le faire car c'est le dernier prophète et messager. Donc il se permet de nous transmettre cette information de la sorte. Mais pour repousser toute mauvaise chose qui pourrait nous nuire à nous, en réalité, pas au prophète sallam, il dit voilà, fakhr, sans me vanter. C'est juste pour nous informer de cela. Et qu'on le considère comme il mérite d'être considéré. Sans exagération au point de lui donner des parties, un statut qui revient que Allah Azza wa Jal, ou bien des spécificités qui reviennent de droit que Allah Azza wa Jal, ni ne pas lui accorder des choses qui lui reviennent de droit, sallallahu alayhi wa sallam. Une autre question, pourquoi est-ce qu'il a dit Yawm al-Qiyamah, pourquoi est-ce qu'il a spécifié au jour du jugement dernier, ou de la résurrection, alors que c'est Sayyidun Nas, fi dunya wal akhirah, alors que c'est le meilleur dans ce bas monde et dans l'au-delà. L'imam al-Nawawi rahimahullah ta'ala, dans l'explication du hadith, nous dit que cette chose-là, na'am, elle est effective dans ce bas monde et l'au-delà. Mais qu'elle sera plus évidente pour tout le monde le jour de la résurrection. Le jour de la résurrection. Dans ce bas-monde, en d'autres termes, dans ce bas-monde, certaines personnes peuvent renier cela et rejeter cela. Mais Yawm al-Qiyamah, tout le monde va voir la place du prophète sallallahu alayhi wa sallam parmi l'ensemble des gens, chez Allah tabaraka wa ta'ala et d'entre les gens. Na'am. Une question que les savants citent, quelle est la sagesse d'avoir choisi le prophète sallallahu alayhi wa sallam comme étant le plus noble dans sa lignée, comme étant le plus noble dans sa lignée. Et c'est ainsi pour tous les prophètes et messagers. Comme dans le hadith, lorsque Abu Sufyan radiallahu anhu est parti demander à Hirakl de lui redonner ceux qui avaient fait la petite hijra al-Habasha, Hirakl lui a posé des questions. Et il lui a dit Ayyu nasabin huwa fikum? Qala dhu nasab. Hirakl a demandé à Abu Sufyan radiallahu anhu, quelle noblesse a-t-il parmi vous? Quelle est sa lignée? Il a dit, il fait partie d'une lignée noble. À la fin, Hirakl lui a dit, c'est ainsi que sont envoyés les prophètes. Ils sont choisis et élus parmi les plus nobles d'entre eux. Donc, quelle est la sagesse de cela? Et de là, ils ont tiré que Luqman n'était pas un prophète, mais un homme sage. Mais un homme sage, car il n'avait pas la lignée la plus noble. Radiallahu anhu. L'imam al-Nawawi répond à cela en disant que c'est plus prompt à ce qu'on accepte son message. C'est plus prompt et plus à même, à ce qu'on accepte son message. et que les gens ne le rejettent pas par ce prétexte, en disant, par exemple, si il avait été un messager, Naam, il aurait fait partie des meilleurs d'entre nous. Il aurait été issu de la tribu la plus noble. Ou comment est-ce qu'on va le suivre alors que nous sommes de telle famille, de telle tribu, et ainsi de suite. Par miséricorde pour nous, en réalité, Allah Azza wa Jalla a fait que toutes les excuses pour ne pas suivre la vérité soient dissipées. Et on va en voir beaucoup. On va en voir beaucoup dans la sirah du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Un autre point, nous sommes toujours dans ce passage-là, nasabu nabi sallallahu alayhi wa sallam, la lignée du prophète sallallahu alayhi wa sallam, asma'un nabi sallallahu alayhi wa sallam, les prénoms du prophète sallallahu alayhi wa sallam, car il a plusieurs prénoms. Dans le Coran, on trouve le plus connu, Mohammed. Naam. Et on trouve également qu'il est appelé dans les livres des gens du livre Ahmed. Ahmed. Donc celui qui loue le plus ou qui est le plus loué. C'est un superlatif. Naam. Dans un hadith rapporté par l'imam al-Bukhari et l'imam Muslim, le hadith de Jubair ibn Mut'im radiallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit: inna li asma'an ana Muhammad wa ana Ahmad wa ana al-mahi alladhi yamhu Allahu bihi al-kufr wa ana al-hashir alladhi yuhsharu an-nas ala qadamay wa ana al-aqib. Wa fi riwaya la nabiyya ba'd. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit: inna li asma'an, j'ai plusieurs noms. Ana Muhammad, je suis Muhammad, et je suis Ahmad, et je suis Al-Mahi. Quel est le sens d'Al-Mahi? Il ne convient pas de donner un sens à une chose après que le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'ait expliqué. Il nous dit lui-même: celui par lequel Allah a effacé la mécréance. Wa ana al-hashir. Que signifie Al-Hashir? Celui au pied duquel les gens seront ressuscités. Et il nous dit: wa ana al-aqib. Dans une autre version, la nabi abadi. Yani le dernier, c'est-à-dire celui après lequel il n'y aura plus de prophète. Et dans le Coran, qui est la première base de la sirah, on trouve des caractéristiques du prophète sallallahu alayhi wa sallam. On trouve que parmi ces caractéristiques, al-nabi, le prophète, al-rasoul, il y a eu al-rasoul, le messager, shahidan, wa mubashiran, wa nadhira, wa da'iyan, ila Allah bi'idni, wa sirajan munira. C'est un prophète, c'est un messager, c'est un annonçateur de bonnes nouvelles, un avertisseur, un prêcheur, ra'oufun rahim, compatissant, miséricordieux, ummi, al-nabiyul ummi, qu'il est illettré, c'est-à-dire qu'il ne sait pas lire ce qui est écrit. Naam, toutes ces caractéristiques nous montrent que c'est le meilleur sallallahu alayhi wa sallam dans ses noms, dans ses caractéristiques. Et tout ce qu'on nous cite, par exemple sa ligne, on a vu la sagesse de sa ligne. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam était aussi ummi, il était illettré. Naam. Ceci peut être considéré comme une imperfection chez la personne. Naam. Mais pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est une perfection. Car le fait d'être lettré, d'avoir la capacité à lire ce qui est écrit, naam, et de ne pas être analphabète, c'est une cause pour obtenir le savoir, n'est-ce pas? C'est une cause pour étudier et obtenir la connaissance et le savoir. Quant au prophète sallallahu alayhi wa sallam, lui, Allah Azza wa Jal lui a donné le savoir bil wahy, directement avec la révélation. Directement avec la révélation, premièrement. Donc ça n'est pas une imperfection pour lui. Deuxièmement, il y a dans cela un grand signe d'Allah Azza wa Jal. Et la concrétisation des causes pour accepter son message. Pourquoi? Parce que les gens de son peuple, s'ils avaient été lettrés, lorsqu'il est venu réciter le Coran, la parole d'Allah, ils auraient pu dire quoi? C'est lui qui l'a écrit. Ou bien il a trouvé un livre et il nous répète. Mais il savait de lui qu'il n'écrivait pas et qu'il ne savait pas lire. Donc ils n'ont pas pu s'opposer de cette manière-là. Et on voit à nouveau ici la sagesse d'Allah Azza wa Jal dans le fait d'avoir fait en sorte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam soit ummi, qu'il soit illettré. On voit aussi que le prophète sallallahu alayhi wa sallam était yatim. Que signifie yatim? Non, orphelin. Quelle est la définition de l'orphelin? Man faqada walida qabla al-bulugh. L'orphelin chez l'humain, c'est celui qui a perdu son père avant la puberté. Chez les animaux, c'est lorsque la femelle décède. Ça revient à quoi? Ça revient à l'istirzaq. Ça revient à celui qui cherche la subsistance. Naam, qui est-ce qui chasse? Qui est-ce qui va travailler? Qui est-ce qui? Naam. Donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam était orphelin. N'est-ce pas? Une des sagesses citées par les savants, c'est que si il avait eu son père et par exemple aussi son grand-père, ils auraient pu dire lorsqu'il est venu leur dire je suis le messager d'Allah, suivez mon message, suivez-moi, vous entrerez au paradis, ils auraient pu dire c'est son père qui lui a mis ça dans la tête, c'est son père qui l'a poussé avec son grand-père à développer cette idée pour obtenir une chose de la dunya. Mais non, le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'avait ni son père, il n'avait ni sa mère, ni son grand-père. Donc ces éventualités qui peuvent venir obstruer le chemin de la guidée, Allah Azza wa Jal les a toutes enlevées. Subhanallah. Mafhoum, est-ce que c'est compris ce point? C'est très important. Il était aussi, on voit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, l'ensemble de ses fils, naam, sont décédés en bas âge. Et il n'a pas eu de descendance de ce point de vue-là, au point où Abu Lahab a dit sa parole connue. Da'u Muhammadan fa innahu abta. Sahih? Abu Lahab a dit laissez Muhammad, ça va s'arrêter pour lui. Et il n'a pas de fils, il ne va pas avoir de descendance. Allah Azza wa Jal nous a montré que c'est Abu Lahab qui sera abtar de tout bien. Et on a cité Tabbat Yada Abi Lahab. On a cité les mains de Abu Lahab. C'est ces mains qui vont s'arrêter, se perdre. Pourquoi on a cité les mains? Parce que les mains, c'est la base de l'action. Tout ce que Abu Lahab va faire est voué à l'échec. Quant au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, Allah a élevé sa renommée. Allah a élevé sa renommée et démenti Abu Lahab. Naam. Les savants ont également cité, donc, qu'il n'a pas eu d'enfant. Donc, il était, c'est pas qu'il n'a pas eu d'enfant, il n'a pas eu de descendance, car le nom se transmet avec les fils. Naam. Et qu'il était yatim, donc, du point de vue des ascendants, il était yatim, et des descendants, ils sont décédés. Ainsi, c'est plus prompt à ce qu'on accepte son message. Pourquoi? Parce qu'on aurait pu dire, il est venu restituer la royauté de ses ancêtres, de son père. Son père l'a envoyé, parce qu'ils n'ont pas, et en disant c'est un prophète, il va être élevé. Naam. Ou, pour préparer la royauté de ses descendants. C'est-à-dire, qu'il va réunir la dunya en disant je suis un prophète. Naam. Pour laisser ça comme héritage à qui? À ses enfants. Allah Azza wa Jal à nouveau a coupé cette chose-là. Comment? Nahnu ma'ashir al-anbiya la nourath. Ma taraknahu sadaqa. Allah Azza wa Jal a interdit l'héritage des prophètes. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, nous les prophètes, on n'hérite pas de nous. Ce que nous laissons est donné en aumône. Ce que nous laissons est donné en aumône. Et c'est ce qu'a fait Abu Bakr. Radiallahu anhu, et il a refusé de donner la moindre chose à Fatima, la bien-aimée du prophète sallallahu alayhi wa sallam, à qui le hadith n'était pas parvenu lorsqu'elle est venue demander son héritage. lorsqu'elle est venue demander son héritage. Donc toutes ces causes et toutes ces sagesses ont été là pour repousser tout ce qui pourrait obstruer le chemin de la guider. Le chemin de la guider. Voici pour ce premier point. Donc le premier point, nasabu an-nabi sallallahu alayhi wa sallam, la lignée du prophète sallallahu alayhi wa sallam. On retient au minimum cela. Il s'appelle Muhammad ibn Abdillah ibn Abdil Muttalib ibn Hashim. Naam. Ibn Hashim, il fait partie de la tribu de Banu Hashim. C'est un Qurashi arabe. Naam. Il fait partie des plus nobles des nobles. Sa lignée remonte à Adnan jusqu'à Ismaïl, fils d'Ibrahim. Ensuite, on retient que c'est le seul prophète à remonter à Ismaïl. En troisièmement, on retient que c'est le plus noble des nobles. Quant à sa mère, elle se nomme Amina bint Wahb. Quant à sa mère, elle se nomme Amina bint Wahb. Au minimum, on retient cela. Naam. Et on enseigne à nos enfants, et on enseigne à nos parents, et on enseigne à nos frères et sœurs le prénom, le nom du père et le nom du grand-père du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et parmi les choses qui attristent énormément à notre époque, le fait de trouver un enfant qui est parfaitement capable de te citer la biographie entière et l'histoire entière d'un joueur de football. Naam, ou d'un acteur, ou d'un chanteur. Et lorsque tu lui dis, oh mon fils, quel est le prénom du prophète? Il te dit, je sais pas. Il te dit, je sais pas. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. C'est une moussiba. Et lors de la moussiba, il nous est légiféré de dire, inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Naam. Mais est-ce qu'on va en vouloir à cet enfant? De 3 ans, de 4 ans? Non. Al-lawm ala walidayhi. Le reproche et la remarque est adressé à ses parents. Le reproche et la remarque est adressée à ses parents. Naam. C'est même qu'ils nous viennent en nous disant qu'il a tel comportement, telle chose, telle chose. Mais où étais-tu lorsqu'il fallait l'éduquer? Où étais-tu lorsqu'il fallait semer en lui la graine qui allait par la suite se développer? Donc d'enseigner cela à nos enfants a la plus grande importance. Et bihamdillahi azza wa jal, on voit dans les assises nos enfants qui apprennent et qui mémorisent. Jazahumullahu khayr. وبالمناسبة البارحة سمعت مقطعا لأحد المشايخ ويسأل طفلا صغيرا يقول عند قم ما اسم النبي صلى الله عليه وسلم وهذا الولد سرد نسبه إلى عدنان بدون أن يخطئ فقال الشيخ الله أكبر خذ الكرسي قال خذ الكرسي فما أحفظ ما تحفظه أنت فأنت خير مني وهو من طلبة الشيخ مقبل رحمه الله تعالى. Et hier j'ai écouté une partie d'un audio dans lequel un cheikh questionne un enfant dans l'assise et lui dit, quel est le nom du prophète? L'enfant a cité la lignée du prophète sallallahu alayhi wa sallam sans se tromper jusqu'à Adnan. Ensuite le cheikh a dit, ben prends ma chaise. Il lui a dit, prends ma chaise. Tu mémorises jusqu'à Adnan, il lui a dit, prends ma chaise, c'est bon. Naam. Et il lui a dit, oh mon enfant, il a fait des deux pour lui. Ensuite, il lui a dit, tu connais plus que moi. Tu connais plus que moi. Yani, tu connais jusqu'à Adnan, tu mémorises plus que moi. Naam. Et bien, idnillahi azza wa jal, pour la semaine prochaine, on se motive les uns les autres, et on mémorise. Naam. Et on mémorise. Ensuite, le shir a dit, أعيذك بكلمات الله تامة من كل شيطان وهم من كل عين لمة. Pourquoi? Que veut dire cela? Il l'a mis sous la protection des paroles parfaites d'Allah pour le protéger du عين. Pour le protéger du عين. Naam. Et certains d'entre nous pourraient dire, non mon enfant il ne vient pas parce qu'il va être touché du عين. Non mon enfant il ne va pas rester parce qu'il va toucher du, il va toucher du عين. Ça c'est la tariqa muthla. Tu fais le khayr et tu le mets sous la protection d'Allah tabaraka wa ta'ala. Naam. Amma le fait d'enfermer l'enfant et de le couvrir et il parle pas et il mange pas et il s'habille pas. Pourquoi l'ayn? Yani à ce moment-là, il vit plus l'enfant. Taïeb, hada ghalat, hada ghulou. C'est de l'exagération. mais on fait plutôt « التوكل على الله ». Tu fais le bien et tu comptes sur Allah subhanahu wa ta'ala. Et une autre anecdote, dans le bus à l'étranger. Naam. Je faisais réviser deux frères al-usul salatha. Naam. Et l'un d'entre eux a dit, Muhammad ibn Abdullah ibn Abdul Muttalib, il a oublié. A'ammi dans le bus. A'ammi dans le bus. Un homme de la masse dans le bus. Naam. Il nous a remis à notre place. Il nous a rappelé qui nous étions, faibles étudiants que nous étions et que nous sommes. Naam, cet homme de la masse a enchaîné la lignée du prophète. Il était assis et il écoutait la discussion, qui était en français. Mais il a vu que le jeune homme avait du mal et il est entré dans la discussion et il a cité peut-être 5 personnes de la biographie de la lignée du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Pour vous dire qu'il y a du khayr dans la umma, il y a du bien. Mais il faut développer ce bien-là. Il faut propager ce bien. Et la meilleure manière de propager le bien, c'est hilaq al-dhikr. C'est les assises de science. Dans lesquelles on dit qala Allah, qala Rasulullah, qala Sahaba. Et on se rappelle ce bien-là. Et si nous, on a eu des imperfections qui ont été dues aussi en partie à une partie de l'endroit, une partie de l'éducation, une partie de nos passions, une partie de nos... et ainsi de suite. Bah, natabarak fi awladina. On se rattrape dans les enfants. Et l'enfant, c'était hasanat. L'enfant, c'était hasanat. S'il commence à mémoriser dès maintenant, s'il commence à mémoriser à, mathalan, 4 ans, naam. À 18 ans, ça va être un cheikh dans le hifd. À 18 ans, ça va être un cheikh dans le hifd. Il y a un jeune homme de 16 ans qui connaît le Coran. صح البخاري صح مسلم نعم et on trouve des jeunes qui mémorisent énormément وهذا فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. Mais il faut faire les asbab, il faut faire des causes. Dépense pour tes enfants. Ça c'est un investissement. Si on te demande tu veux faire quoi plus tard, dis je veux avoir des enfants pieux. Tu veux faire quoi plus tard? Je veux avoir des enfants pieux. Ça c'est ra'sul mal. T'as des enfants pieux, ça c'est mieux que la dunya et tout ce qu'il y a dans la dunya. Wallahu musta'an. Le deuxième point, ikhwan al-kiram, mauliduhu, sa naissance. On a vu son nasab. La deuxième chose citée par les savants, mauliduhu, sa naissance. Mauliduhu fi ashir al-fadili, rabi'in al-awwal 'am al-fil. L'auteur rahimahullah ta'ala nous dit il est né le 10. Sa noble naissance a eu lieu le 10 du mois de Rabi' al-Awwal, l'année de l'éléphant. Le 10 du mois de Rabi' al-Awwal, l'année de l'éléphant. Faba'da dhikri nasab an-nabi sallallahu alayhi wa sallam fa inna ahl al-'ilm yatatarraquna ila مولده عليه الصلاة والسلام. فولد يوم الاثنين. ولد يوم الاثنين. بلا خلاف. Le prophète sallam est né un lundi, sans divergence. Est né un lundi, sans divergence. العاشر من ربيع الأول. Le dixième jour de ربيع الأول عام الفيل. Premièrement, l'année de naissance. L'année de naissance nous est citée ici sous cette appellation. Amul fil, l'année de l'éléphant. Al-fil signifie en arabe l'éléphant. Les historiens, les arabes et beaucoup de civilisations déterminent les dates selon les événements majeurs dans ce peuple. Bon nombre de gens, et c'est le cas pour les Arabes, déterminent des dates en se basant, en se référant sur certains événements majeurs dans la vie de ce pays, dans les événements de ce pays. Par exemple, quel est le calendrier, le début du calendrier chez les musulmans? Al-Hijra. Al-Sheikh Atiya Muhammad Salim, rahimahullah ta'ala, un des plus grands élèves de Sheikh Muhammad Al-Amin Al-Shinqiti, celui qui a écrit Adwa'ul Al-Bayan Tatil Qur'an bil Qur'an, nous dit que l'année, yani la réalisation du calendrier musulman, a été faite à l'époque de Omar bin Khattab radiallahu anhu. Naam. Il a réfléchi pour faire ce calendrier à l'événement le plus spécifique, majeur, qui ait connu l'islam. Naam. Et il a trouvé que l'événement le plus grand qui ait connu l'islam et les arabes était Al-Hijra. Parce que les arabes sont des gens, naam, qui ne se déplacent pas. C'est les gens qui se déplaçaient chez eux. C'est les gens qui se déplaçaient chez eux. Ils avaient le Kaaba. Ils avaient le Kaaba. Fouad al-alam yatatawajjah ila ilayhi. Ils avaient le Kaaba. Donc les cœurs du monde entier se dirigent vers eux. C'est pas eux qui se déplaçaient vers les autres. Et s'ils voyageaient, c'était pour des causes, pour le commerce et ainsi de suite. Mais ce qu'on pourrait appeler le déménagement, c'est pas une chose qui leur a été connue. Donc Cheikh Atiyah rahimahullah ta'ala nous dit qu'il a trouvé que l'événement majeur et le plus spécifique à cette civilisation, à cette communauté, à ce peuple était Al-Hijra. Donc ils ont compté à partir de la Hijra du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Naam. C'est pour cela qu'on a appelé cela Amul Fil. Et au prochain cours, inshallah ta'ala, on citera l'histoire de Al-Fil, qui a son nom dans le Coran. Cette année où Abraha a voulu attaquer la Mecque avec pour but de détruire Al-Kaaba pour diriger les gens vers le Yémen, naam, vers l'édifice que eux avaient construit, il s'est dirigé vers la Mecque, naam, de manière à y résumer, pour détruire la Kaaba. Et il a amené une chose qui n'était pas connue chez les Arabes, Al-Fiyal, des éléphants. Et ils disent que parmi eux, il y en avait un qui était énorme, qu'ils appelaient Mahmoud. Il est entré et n'a pas trouvé de force militaire capable de le freiner ni de l'arrêter. Au point, les gens n'ont pas, certes, beaucoup n'ont pas tenté de le combattre, car ils n'avaient pas la capacité. Ils n'avaient pas la capacité. Il avait pour intention d'amener ses éléphants à la Kaaba, d'attacher des chaînes à la Kaaba, naam, à chaque partie de la Kaaba, et de faire tirer l'éléphant ou les éléphants afin de détruire le Kaaba. Naam. En chemin, ils ont fait certaines injustices. Naam. Tuer les opposants, spolier certaines richesses. Ils ont pris par exemple les chameaux du grand-père du prophète sallallahu alayhi wa sallam, Abdul Muttalib. Naam. Puis il a dit, je ne suis pas venu en gros pour vous combattre. J'ai un but précis, détruire Al-Kaaba. Abdul Muttalib et certains notables sont venus lui parler. Et lorsqu'il a vu Abdul Muttalib, et comme je vous l'ai dit, c'était une personne qui avait une renommée, une prestance, c'était le noble de son peuple. Lorsqu'il a vu Abdul Muttalib, il l'a considéré. C'était quelqu'un qui avait une grande prestance. À sa vue, il l'a redouté. Puis il s'est assis, et il s'est assis, lui donc, ce gouverneur, avec lui par terre. Il lui a dit, quelle est ta demande? Abdul Muttalib lui a dit, lorsque vous êtes passé, vous avez pris mes chameaux, rendez-moi mes chameaux. De quel droit vous prenez mes chameaux? Alors il lui a dit, lorsque je t'ai vu, j'étais accordé beaucoup d'importance. Mais je suis venu pour détruire Al-Kaaba et tu me parles de tes chameaux? Tu es tombé de mes yeux. Et là, Abdul Muttalib lui a dit une phrase qui a été notée dans l'histoire. Il lui a dit, Ana Rabbul Ibn. Il lui a dit, moi, je suis le propriétaire des chameaux. Amma Al-Kaaba, Al-Bayt, lahu Rabbuha, Sayahli. Quant à la Kaaba, elle a son Seigneur et il va la protéger. Et effectivement, Allah Azza wa Jalla a envoyé des oiseaux porteurs de pierres, ils les ont lapidés et chaque pierre entrait dans la bouche de l'un d'entre eux et elle ressortait par le derrière de l'un d'entre eux, akramakumullah, et il les a tous anéantis. Et la sourate Al-Fil nous relate cela. Barakallahu fikum. Donc voici pourquoi cette année a été appelée Amul Fil. Voici pourquoi cette année a été appelée Amul Fil. Et la semaine prochaine, Inch'Allah Ta'ala, nous allons étudier en détail l'histoire de Al-Fil avec son tafsir du Coran, Inch'Allah Ta'ala. Wa al-jumhuru على أن النبي صلى الله عليه وسلم ولد في اليوم الثاني عشر في اليوم الثاني عشر من ربيع الأول من شهر ربيع الأول. La plupart des savants, donc ici l'auteur a pris l'avis que le prophète صلى الله عليه وسلم est né le 10 du mois de Rabi' al-Awwal. Sachez que la plupart des savants disent qu'il est né le 12 de Rabi' al-Awwal. D'autres disent le 8. Naam. Et Cheikh Al-Albani, rahimahullah ta'ala, nous dit en Sahih Sira qu'il n'y a aucun texte authentique qui permet d'affirmer cela. Dire que c'est le 10, ou le 11, ou le 12, ou... Et tout ce qui a été cité n'a pas une chaîne de transmission authentique, sauf un seul texte, qui est la parole d'un tabi'i. Sauf un seul texte qui est la parole d'un tabi'i, et qui est le fait de dire qu'il est né le 8. Le 8 du mois de Rabi' al-Awwal. Et ceci correspond au 20 du quatrième mois en année grégorienne. Nisan, c'est-à-dire avril. Naam, ça correspond au quatrième mois de l'année, le mois d'avril. Le 20 avril de l'époque. Et le fait qu'il soit né à Moulfil a été cité par exemple par Ibn Abbas dans le Bayhaqi et Qais ibn Makhrama dans le recueil d'Al-Hakim rahimahullah ta'ala nous dit « Wulidtu ana wa Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam à Moulfil » Un sahabi dit « Je suis né moi » ainsi que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam à Moulfil, l'année de l'éléphant. « Fanahnu lidakhan » Imam Al-Albani nous dit que ce hadith est tout est hasan. Et Ibn Munzir, rahimahullah ta'ala, Ibn Munzir nous dit « La shakka anna ou la shukku ahadun min al-ulama anna al-rasoul sallallahu alayhi wa sallam wulida amal fi » Et un des savants dit « Il ne fait aucun doute auprès des gens de science que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam est né l'année de l'éléphant. » Donc pour l'année de l'éléphant, ceci a été cité de manière authentique. La deuxième chose authentique, et sans divergence, c'est qu'il est né un lundi. Comme il nous l'a dit lui-même, dans le recueil de l'imam Muslim, selon Qatada radiallahu anhu, anna arabiyan, selon Abu Qatada anna arabiyan radiallahu anhu, qala ya Rasulallah, ma taqulu fi yawmi l'ithnayn, fi sawmi yawmi l'ithnayn. Abu Qatada radiallahu anhu nous dit, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a été questionné par un bédouin. Il lui a dit, que peux-tu me dire sur le jeûne du lundi? Le prophète sallam jeûnait le lundi et le jeudi. Al-Arabi, le bédouin, lui a demandé sur cela. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit, dhalik, il lui a dit le lundi, al-yawm alladhi wulidtu fi. Il lui a dit le lundi, c'est le jour dans lequel je suis né. C'est le jour où je suis né. Et le jour où j'ai été envoyé, c'est-à-dire en tant que prophète ou messager. Et c'est le jour où j'ai reçu la révélation. Et c'est le jour où j'ai reçu la révélation, c'est-à-dire el Qur'an. C'est-à-dire le Qur'an. Quant au jour, donc l'année de l'éléphant, le jour, le lundi, quant au fait que ce soit le 10 ou le 12 août, cette divergence De cette divergence ne résulte aucun problème. Pourquoi ? Car nous n'avons pas d'adoration qui soit en rapport avec le jour de la naissance du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il n'y a pas d'anniversaire à fêter. Cette innovation a été amenée des siècles après la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam et inventée par des gens qui n'ont aucune part dans l'islam. Aucune part dans l'islam. Parce qu'ils font partie de l'ahlul bid'a, ceux qui ont inventé ça. Mais leurs bid'a font sortir du din carrément. Non. Et en islam, nous avons deux Eid. Nous avons deux fêtes. Eid al-Fitr et Eid al-Adha. Le Eid qui marque la rupture du jeûne du mois de Ramadan et le Eid qui a lieu le dixième jour du mois de Dhul-Hijjah. Na'am. C'est ce qui nous a été légiféré par Allah subhanahu wa ta'ala. Ravina billahi rabban wa bil islami dinan wa bin abina Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam rasul. Et nous avons agréé Allah azza wa jalla comme Seigneur et c'est lui qui légifère les ayat. Na'am. Quant au fait de fêter l'anniversaire du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ceci est une bid'a, shani'a, munkara. Ça, c'est une innovation. Na'am, et celui qui fait cela après avoir entendu cette vérité ne fera que suivre ses passions. Et il n'y a pas de personne de science ayant étudié le Coran et la Sunna qui fête l'anniversaire du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et ceux qui disent on fait cela parce qu'on aime le prophète sallallahu alayhi wa sallam, est-ce qu'ils entendent par cela que Abu Bakr ne l'aimait pas? Que Omar ne l'aimait pas? Que Uthman ne l'aimait pas? Que Ali ne l'aimait pas? Jamais un compagnon n'a fêté son anniversaire. Et ce sont ceux qui l'ont aimé le plus. Ni ses épouses. Ni les imams de l'islam comme l'imam Malik, l'imam Ahmed, Sufyan al-Thawri, Ibn Uyayna et d'autres. Jusqu'à notre époque, les grands savants de l'islam. Donc de fêter l'anniversaire du prophète sallam, c'est une bid'a. Et s'en donne un grand plaisir. Ahlul bid'a min as-sufiyya, ad-dullal. Certains dansent dans les mosquées d'Allah Azza wa Jal. Wal-iyadu billah. Na'am. Et certains entrent même en transe et font des plats particuliers et ainsi de suite. Tout ça pourquoi? Parce que Shaytan les a tirés dans leur filet. Là. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, pour montrer sa reconnaissance, il jeûnait le lundi. Tu veux faire quelque chose? Jeûne le lundi. Si il y a aucune action qui résulte donc de cela. Voici ce qui nous a été facilité en cette soirée. Wallahu a'lam wa sallillahumma wa barik ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. As'alullaha subhanahu wa ta'ala an yufaqihana fi dini wa yulhimana rushdana wa yaghfira lana wa liwalidina. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والحمد لله.